L'actualité à Nancy et ailleurs. Coup de projecteur sur deux rendez-vous ce week-end avant de voler Nancy. Premier rendez-vous samedi 9 décembre de 10h à 18h, le marché de Noël au profit du Téléthon. Et dimanche, c'est l'inauguration du marché rénové et de la nouvelle brasserie. Pour nous en parler, David Quiéré, directeur de cabinet de la mairie de Vendeuvre. Bonjour, ce week-end à Vendeuvre, on organise sur deux jours des festivités autour d'un marché de Noël qui se déroulera en deux temps. Il y aura une première partie du marché de Noël, on va dire, qui sera organisée au profit du Téléthon, autour de tout un tas d'animations qui mobilisent pas mal d'associations, des manèges, des petits spectacles, des chorales, des dégustations. C'est organisé au profit de l'AFM Téléthon, comme on le fait tous les ans. On espère récolter des fonds, idéalement encore plus que l'année dernière, où on avait récolté aux alentours de 5000 euros, je crois. Où est-ce que ça se passe précisément, au cœur de Vendeuvre? Oui, bien sûr, ça se passe. Donc, place Simone Veil. Alors, place Simone Veil, c'est l'ancienne place du Benelux. Place Simone Veil et médiathèque. Donc ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, nous organisons, avec les commerçants du marché et les gérants de la nouvelle brasserie du marché, donc l'AUIM, une inauguration de la nouvelle place du marché, la place rénovée, qu'elle a bénéficié de beaucoup de travaux de réaménagement. Donc on fait ça en lien avec les commerçants, parce qu'il y aura le marché ce jour-là, aux couleurs de Noël. Ça devrait revêtir un caractère assez festif. L'idée étant de profiter de cette réouverture de la brasserie et des travaux qui ont eu lieu sur la place du marché pour redynamiser encore le marché. Quels sont les grands changements justement autour de ce marché de Vendeuvre ? Il y a déjà la place du marché qui a bénéficié de travaux assez importants, donc qui a été refaite. Il y a la brasserie qui est sur la place du marché qui a été refaite complètement parce qu'elle a bénéficié de travaux assez importants engagés par la UIM. La brasserie fonctionne maintenant en vraie synergie avec les commerçants du marché, puisque l'AUIM se fournit pour cette brasserie-là en partie auprès des commerçants du marché. Il y a aussi une démarche qui a été entreprise en lien avec l'association des commerçants pour mixer un peu plus l'offre commerciale sur le marché et faire revenir notamment des producteurs récoltants, qui va être le cas là, puisqu'on a quelques nouveaux producteurs récoltants qui vont venir enrichir l'offre. Tout ça a vocation à redynamiser le marché de Vendeuvre, ou tout ce secteur du centre-ville de Vendeuvre. Voilà. Donc deux rendez-vous autour de marché, donc le marché de Noël au profit du Téléthon, ça c'est samedi à partir de 10h à la médiathèque qui est place Simone Veil, et dimanche le traditionnel marché de Vendeuvre qui là revêtra une couleur particulière avec cette inauguration. Absolument, c'est ça. Merci beaucoup Monsieur Guiré. Je vous en prie. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.